Vous savez que parmi les... Il y a toutes sortes de monde parmi vous autres. Il y a des gens qui... Les gens sont à différents stages d'évolution, puis les gens sont à différents stages de compréhension, les gens sont à différents stages d'intérêt. J'ai essayé dans le passé de parler à un dénominateur commun. Puis j'ai réservé ces rencontres-là pour parler plutôt de psychologie ou quelque chose de près de nous, de l'homme. Mais j'aimerais commencer une nouvelle... Façon. Non, pas une nouvelle façon. Une nouvelle suite à mes conférences. Je voudrais que les conférences soient un peu plus... Moi, je déteste le mot occulte, ça me fatigue ce mot-là. Un peu plus voilé. Autrement dit, un peu plus difficile à saisir de par l'ego, de par l'intellect, la raison. Autrement dit, plus supramental, plus réel. Puis voir jusqu'à quel point ça vous intéresse, puis jusqu'à quel point ça peut coller à votre esprit. Parce que c'est inutile d'aller trop loin et trop vite dans le matériel si ça ne colle pas à votre esprit. Il y a des gens avec lesquels ça colle plus, il y en a d'autres avec lesquels ça colle moins. Mais il faut trouver un point pour éviter de rendre ces conférences-là trop spécialisées, trop occultes, si vous voulez. Mais d'un autre côté, il y a une valeur à rentrer dans du matériel qui est réellement d'ordre supramental, d'ordre réel, d'ordre... d'un ordre que vous connaîtrez plus tard ou que certains parmi vous connaîtront plus tard lorsqu'il y aura des doublements. D'un autre côté, j'aime pas ça parler trop de dédoublement plus tard parce qu'on vit tout de suite. Fait que je suis toujours pris entre deux feux. Je peux pas aller trop vite, je peux pas aller trop slow non plus. Vous savez, ce que les gens appellent occulte, ce que les gens appellent... occulte. Ça va très loin, l'occulte. Puis, dans le passé, les hommes n'avaient pas les moyens de comprendre l'occulte, parce que les hommes faisaient de la philosophie avec l'occultisme. Ils faisaient de la philosophie avec des données qui transcendent la raison. Alors, automatiquement, ça les spiritualisait et ça ne les amenait pas à un haut niveau d'intelligence. Et j'espère que dans les années qui viendront, les gens pourront bénéficier de la pensée occulte, autrement dit de la pensée supramentale, qui est effectivement une pensée occulte parce qu'elle est infinie. Et c'est une pensée qui peut expliquer tout ce qui est derrière le mur de l'espace et du temps. Et j'espère qu'au cours des années, les gens pourront bénéficier de cette pensée extrêmement féconde et extrêmement profonde et extrêmement vivace qui... peut servir probablement pour la première fois dans l'histoire de l'homme à réellement jeter de la lumière sur l'évolution de l'homme, l'évolution de la race, l'évolution de l'individu, ainsi de suite. Alors, je vais essayer en tout cas ce soir de commencer dans ce domaine-là. Puis, d'après vos réactions, puis d'après le feedback, mais je pourrais ajuster. Alors, s'il y en a parmi vous qui trouvez ça trop difficile, trop abstrait, trop insaisissable, trop loin de soi-même, à ce moment-là, vous me direz. Et je pourrais réajuster. Je pourrais avoir une petite clarette. Et pour moi, c'est très difficile, à cause de la fusion, c'est très difficile pour moi de demeurer, de me fixer à un point quand je parle. Et je suis obligé de faire un grand effort de concentration d'énergie pour réellement me fixer sur un point et demeurer dans ce point-là. Alors, je vous demanderais pour cette soirée-là, là, qui est un petit peu différente des autres peut-être, d'être le plus calme possible, et de ne pas trop vous parler les uns avec les autres jusqu'à temps que je débarque. D'abord, je voudrais commencer à expliquer le corps astral, à ma façon. Expliquer sa fonction dans l'homme et ce que ça fait, ce que ça sert, ce à quoi ça sert. Ce qui doit en ce corps-là être défait, changé, transmuté, pour que l'homme éventuellement en arrive à vivre un autre niveau d'expérience. Alors, je commence. L'homme a un corps physique. Et ce corps physique-là, il est rattaché énergétiquement à tous les autres principes de lui-même. Ce qu'on appelle à tous ses autres corps. Ce qui donne à son corps physique une vitalité, une plasticité, c'est le corps vital, qui est un champ d'énergie. Et ce corps vital-là est extrêmement sensible à l'émotion et il est extrêmement sensible à un autre principe supérieur qui est le mental. Et le mental et l'émotion et le vital et le physique sont extrêmement sensibles aussi à un autre corps que l'homme doit développer au cours de l'évolution qui vient, que j'appelle le corps supramental. Mais le corps qui endommage le plus la nature de l'homme, qui retarde le plus l'évolution de l'homme, qui abrutit le plus son intelligence, c'est le corps astral. C'est ce corps, ce principe, qui fait partie de sa conscience émotive. C'est ce corps-là qui endommage le plus la capacité de l'homme de transcender sa nature humaine parce que le corps astral ou le corps de l'émotion est un corps d'impression. C'est-à-dire que ce corps-là, il vibre constamment sous la loi d'impression. Il est constamment impressionné, contrairement au corps mental. Le corps mental ne vit pas d'impression, il crée des impressions. Mais le corps astral, lui, reçoit des impressions, alors il ne crée pas d'impression. Et comme le corps astral ne crée pas d'impression, ça c'est un point important, comme le corps astral il ne crée pas d'impression, comme il est le papier au lieu de l'étampe qui reçoit l'impression, la marque, c'est un corps qui est extrêmement sensible et aussi c'est un corps qui est facilement manipulable et facilement influençable, de sorte que ce corps est justement le corps qui empêche l'homme d'être lui-même. De tous les corps dont il possède, c'est ce corps astral, c'est ce corps qui reçoit des impressions de l'extérieur ou de l'intérieur. Et c'est ce corps qui enlève à l'homme éventuellement sa capacité qui lui empêche d'être, de réaliser son individualité. C'est pas parce que le corps astral reçoit des impressions que ce n'est pas un beau véhicule. C'est un très beau véhicule. Seulement, c'est un véhicule qui doit être ajusté, qui doit être rendu de plus en plus subtil. C'est un véhicule qui doit comprendre, qui doit réaliser la nature des impressions qu'il reçoit et qui doit être capable de les rejeter si elles ne sont pas bonnes et de les accepter si elles sont bonnes. Et le corps qui permet à l'homme de réaliser si les impressions sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes, ce n'est pas le corps mental inférieur, c'est le corps mental supérieur, le supramental. Alors, le supramental, c'est le gros spotlight dans l'homme. Et un homme qui devient de plus en plus supramental est capable de juger instantanément s'il doit absorber une impression dans le corps astral ou rejeter une impression dans le corps astral. On ne parlera pas du corps mental cette semaine, on va parler du corps astral. Mais le corps astral, c'est aussi un corps qu'on peut appeler un corps faisant partie du royaume animal. Et la nature du corps astral, c'est effectivement une nature animale. Et c'est une nature extrêmement, extrêmement sensible. Et si l'homme n'a pas d'intelligence réelle, et moi, pour moi, l'intelligence réelle, c'est l'intelligence supramentale, c'est pas l'intellect. L'intellect, c'est pas l'intelligence réelle. L'intellect, c'est une forme inférieure d'intelligence, c'est de la mécanicité, c'est de la mécanique. C'est basé sur la mémoire, et ainsi de suite. Mais l'intelligence réelle n'appartient pas à l'homme. Elle est cosmique, cette intelligence-là. Elle a ses propres lois. Elle dirige l'évolution. Et l'homme qui vit de cette intelligence, qui vit sous le parapluie de son illumination, de son champ d'action, automatiquement change astralement. Parce que l'intelligence lui fera absorber, accepter ou rejeter des impressions dans ce corps-là. Et automatiquement, plus l'homme devient conscient, plus l'homme plus l'homme développe ce corps mental supérieur, autrement dit, plus il devient intelligemment réel, plus il est capable de se servir de son corps astral, autrement dit, de sa nature animale, mais aussi de s'en servir pour son bénéfice à lui en tant qu'homme, en tant qu'individu, en tant qu'être, au lieu de s'en servir sous une impression qui le domine et qui fait de lui un être animalisé, c'est-à-dire un être qui n'a plus de contrôle sur lui-même. Et le problème du corps astral dans l'humanité, c'est que ce corps-là animalise l'homme. Il animalise l'homme parce qu'il rend l'homme esclave des impressions. Un animal, c'est un être, si vous voulez, qui est esclave des impressions. Il est contrôlé par la nature. Si t'es bonne humeur, il va pleurer dans le coin. T'sais, un animal, c'est un animal. Un animal peut être facilement dominé. Et l'homme, à cause du corps astral, qui a effectivement une fonction animale, est facilement dominé à un autre niveau, si vous voulez, d'une façon plus subtile. Mais il est dominé par des impressions. Et ce sont ces impressions qui, au cours des années et des âges de l'humanité, s'accumulent. De sorte que vient un moment dans la vie de l'individu où son ego, qui est situé sur le plan mental, est incapable de voir clair à travers toutes les impressions qu'il a reçues. Alors, d'un côté, il a reçu une impression qui dit « tu devrais faire ça », mais d'un autre côté, il a reçu une autre impression qui est contraire qui dit « tu devrais faire ça », puis ensuite, il reçoit une autre impression de là-bas qui dit « tu devrais faire ça ». Fait que l'ego, éventuellement, il devient totalement, il perd complètement sa centricité, il devient totalement égocentrique, et il devient totalement malheureux avec lui-même parce que il ne peut jamais voir son infinité. Il ne peut jamais se sentir infini, l'ego. Il ne peut jamais se sentir dans une certaine perfection. Il ne peut jamais se sentir en contrôle de lui-même. Il ne peut jamais se sentir au-dessus d'eux. Il est toujours pris dans un être. Il est toujours pris dans un assemblage de formes extraordinairement complexes qui n'arrête pas de venir vers lui et qui crée dans son corps astral des impressions. De sorte qu'il vient un moment dans la vie de l'ego où il ne fonctionne plus au niveau du mental même. Il fonctionne en relation avec les impressions dans son corps astral, mais qui nourrissent son mental et qui affectent son mental. De sorte qu'il vient un point où l'ego n'a plus les idées claires. Il ne peut plus avoir les idées claires parce que aussitôt qu'il pense à quelque chose, il y a une impression de l'astral qui revient et qui bloque ce qu'il pense. Qui colore ce qu'il pense. Alors, comment voulez-vous que l'ego, après des années, puisse se tenir sur ses deux jambes, faire face à un autre ego, puis dire « Wow, ça s'arrête là ce que tu me dis. » Ou « Ça a du bon sens ce que tu me dis. » Je l'accepte ce que tu me dis. Ou je le rejette ce que tu me dis. Ou je suis neutre de ce que tu me dis. Ou je suis pas influencé par ce que tu me dis. Ou c'est sans importance ce que tu me dis. Ainsi de suite. Autrement dit, l'ego est plus capable d'être maître de lui-même. C'est impossible. Comment il voudrait, avec la meilleure volonté au monde, il est plus capable. Fait qu'à un certain moment, comprends-tu, il se fatigue, l'ego. Puis à un certain moment, mais il commence à faire de la recherche. Parce que il a entendu parler que dans le monde, il y a des maîtres, puis dans le monde, il y a des livres, puis dans le monde, il y a des écoles, puis dans le monde, il y a des méthodes, puis dans le monde, il y a quelque chose qui débloque cette affaire-là. Fait que là, il commence, avec un grand espoir, il commence. Il s'en va aux Indes, il s'en va au Tibet, il s'en va en Égypte, il s'en va quelque part, il rencontre des maîtres, il rencontre des gourous, puis il rencontre des écoles, puis il rencontre des livres, puis il rencontre du monde. Mais ça ne satisfait pas. Il y a toujours un plafond. Il y a toujours un plafond. Il y a toujours un plafond. Puis le plafond n'est pas nécessairement dans le maître, puis dans le gourou, puis dans le gouzou. Le plafond est dans l'ego. Alors l'ego, lui, voyant qu'il y a un plafond, puis sentant qu'il y a un plafond, bien, il dit, « Moi, je suis en être maître, mais en trouver un autre. » Il s'en va trouver un autre. Puis l'ego, il fait ça pendant des années de temps. Ça, on appelle ça de l'ésotérisme. De l'occultisme, de la philosophie. Mais c'est pas un cadeau pour l'ego. Parce que l'ego, faisant ceci, allant à la recherche de quelque chose, cherchant la limite de ce plafond-là ou de l'explosion de ce plafond-là, éventuellement, continue à recevoir des impressions puis des impressions. Il y en a reçu du maître, puis il y en a reçu de l'autre, puis il y en a reçu de l'autre, puis il y en a reçu de l'autre. Fait que le problème du corps astral pour l'homme moderne, c'est le problème le plus complexe qui existe pour l'ego. C'est le problème le plus complexe, non pas seulement parce que il y a énormément d'impressions qui se sont imprimées dans ce corps extrêmement malléable-là, mais parce que l'ego ne sait pas discerner, n'est pas capable de se couper de, n'est pas capable de voir, parce qu'il est pris dans un cul-de-sac, il est pris dans un cercle vicieux. Il reçoit les impressions couvrent son esprit. Alors son esprit ne voit rien. Alors, ça devient un cercle vicieux. Et si l'ego est moindrement sensible, et si l'ego est moindrement émotif, si l'ego est moindrement à la recherche de quelque chose, si l'ego est moindrement à la recherche d'un tonique d'envie, bien, le cercle devient de plus en plus rapide, il tourne, puis il tourne, puis il tourne, puis éventuellement, l'ego, qu'est-ce qui arrive? Il perd la boule. Il perd la boule parce que, autant, il lui a été promis la solution à tous ses problèmes, depuis des siècles, autant il s'aperçoit que il n'y en a pas de solution à ses problèmes venant de l'extérieur. Autant il s'aperçoit qu'il n'y a pas une école qui peut résoudre ses problèmes, qu'il n'y a pas un maître qui peut résoudre ses problèmes, que lui seul peut résoudre ses problèmes. Mais comment est-ce qu'il va résoudre ses problèmes quand il est pogné dans un sac d'impressions aussi dense que sa conscience astrale? Alors, le problème de l'ego, il est grave. Pour que l'ego commence à rompre avec le pouvoir de sa conscience astrale, de ses impressions qui sont en lui, pour qu'il commence à rompre avec ses filaments invisibles d'énergie qui affectent son mental, qui affectent son intelligence, il doit réaliser que il y a dans lui d'autres corps, d'autres niveaux de conscience qui sont suprêmes à la conscience astrale, qui ne sont pas influençables par la conscience astrale, qui ne peuvent pas être affectés par la conscience astrale. Ce qu'on appelle la conscience supramentale, l'intelligence supramentale, la communication avec. Quand l'ego commence à réaliser ça, mais là, il commence à sentir des changements. Là, il commence à réaliser qu'il y a des aspects de lui-même qui sont intelligents, puis c'est pas toujours constant, ainsi de suite. Mais au moins, il commence à s'apercevoir que les impressions dont il souffre dans son corps astral commencent à être un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus dominées par lui-même. Mais pas suffisamment, gros. Parce que sont tenaces, les impressions. Alors, l'ego cherche une réponse finale à ce problème éternel-là entre son intelligence, qui est pure, ou qui devrait l'être, et sa conscience astrale. Et entre-temps, il se décourage. Il se fatigue. Il se fâche. Il se trouve niaiseux. Il commence à gueuler s'il est en contact moindrement avec l'autre plan. Il commence à gueuler contre l'autre plan. Il développe de la volonté. Et là, il commence à briser le pouvoir de sa conscience astrale sur son intelligence. Et quand il commence à briser le pouvoir de cette conscience astrale sur son intelligence, il commence à réaliser deux choses. D'abord, qu'il est intelligent. Et deuxièmement, qu'il est cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire être intelligent puis être cosmique? Réaliser qu'on est intelligent, pas dans le sens intellectuel du terme, mais réaliser qu'on a accès à notre intelligence, c'est toujours en proportion de notre capacité de nous dévêtir des impressions qui ont été logées dans notre corps astral. Qu'est-ce qui permet à un homme de réaliser s'il est intelligent? Qu'est-ce qui permet à un homme de réaliser s'il est fort physiquement, s'il est capable de donner un coup de poing sur la gueule à quelqu'un, puis de mettre à terre par un knock-out? Là, il réalise qu'il est fort physiquement. Parce que quoi? Il a été capable de défaire une impression haute. Au niveau de l'intelligence, c'est la même chose. Quand un homme est capable de réaliser qu'il a le pouvoir de neutraliser en lui une impression astrale, qui est toujours liée à de l'émotion, à de l'émotivité quelconque, il commence à réaliser de l'intelligence. Et en réalisant cette intelligence, il commence à grandir dans cette intelligence. Et en grandissant dans cette intelligence, il en vient éventuellement à réaliser le pouvoir de l'énergie de cette intelligence sur ses corps inférieurs. Parce qu'il se fait une connexion éventuellement. Et quand tu commences à réaliser la connexion de ce principe-là, de ce corps-là, de sa puissance sur le mental inférieur, sur le corps astral, sur le corps vital, sur le corps physique, là, il commence à réaliser qu'est-ce que c'est qu'une conscience cosmique. Une conscience cosmique, c'est une conscience humaine qui permet à l'individu de réaliser parfaitement par l'intelligence objective et non affectée et influencée par ses impressions astrales qu'il a une destinée particulière sur un plan quelconque. Destinée dans le sens que sa vie ne s'arrête pas ou la vie de tout le monde s'arrête. Et quand un homme commence à s'apercevoir que sa vie ne s'arrête pas, ou ne s'arrête plus, et ne peut plus s'arrêter, ou la vie de la majorité des hommes s'arrête, c'est là qu'il commence à développer ou à vivre de ce que j'appelle la conscience cosmique. Mais l'homme ne peut pas vivre de la conscience cosmique, ne peut pas vivre de cette intelligence, tant que les impressions dans le corps astral n'ont pas été suffisamment balayées. Parce que ces impressions-là sont tellement grandes qu'elles couvrent sa vision de lui-même. Ces impressions-là sont tellement fortes qu'elles couvrent la vision de son intelligence. Et quand un homme n'a pas la vision de son intelligence, il ne peut pas savoir où il en est dans le cosmos. Il peut statistiquement se représenter comme étant une statistique parmi les milliards de statistiques, ou il peut se réaliser, se savoir, comme ne faisant pas partie des milliards de statistiques. Même s'il fait partie d'un petit nombre de statistiques qui ne font pas partie des milliards de statistiques sur la planète. Lui-même, individuellement, il est totalement intégré dans cette conscience-là de lui-même. Mais les impressions qui sont en lui et qui le nourrissent incessamment, qui font partie de sa mémoire, il ne les réalise pas. C'est petit à petit, avec le temps, qu'il les réalise, ces impressions, et qu'il les voit, qu'il envoie la tête de ces impressions-là. Et quand il commence à sentir et à percevoir la tête de ces impressions-là, il est obligé à ce moment-là de commencer à la couper. Parce qu'un homme qui est cosmique n'a pas besoin de vivre d'impressions astrales. Il peut créer des impressions, mais il n'a pas besoin de vivre d'impressions. S'il vit d'impressions, c'est parce que les impressions qui le nourrissent sont bonnes pour lui. Pour lui, pas pour les autres. Pour lui. Alors, lui prend ces impressions-là et se les intègre, les vit, les accepte. Mais ce n'est pas ça la situation de l'homme. C'est que la situation de l'homme est tellement décuplée du réel que l'homme, il prend toutes les impressions. C'est comme un supermarché planétaire. Et toutes ces formes-là viennent vers nous et on les prend. parce que souvent les impressions sont belles, parce que souvent les impressions ont du bon sens, parce que souvent les impressions nous flattent, parce que souvent les impressions nous rendent conscients d'une sorte de spiritualité en nous, parce que les impressions viennent d'un grand maître, parce que les impressions viennent de celui-là. Autrement dit, on est nourri de l'extérieur, et ce qui arrive éventuellement, c'est qu'on ne vit plus d'une conscience mentale pure, c'est-à-dire une conscience supramentale. On vit d'une conscience mentale inférieure, c'est-à-dire une conscience astralisée. Et ensuite, on se demande pourquoi, rendu à un certain âge, notre corps commence à dépérir, notre esprit commence à divaguer. Comment ça se fait qu'on perd de la force mentale, qu'on perd de la concentration et qu'on perd de notre pouvoir de vision interne, qui est le cadran même de notre vie matérielle et immatérielle. On perd, autrement dit, une continuité dans notre conscience. Et comme on perd une continuité dans notre conscience, on est obligé de retourner à une conscience inférieure, puis ça, c'est le labeur de tous les jours, la petite vie, le petit train-train. Puis qu'est-ce qui remplit notre petit train-train, ça a déjà. Puis il se produit un phénomène très intéressant, c'est que l'homme, n'ayant plus de vision de lui-même, n'ayant plus de conscience de lui-même, n'ayant plus d'intelligence de lui-même, parce qu'il y a trop d'impressions en lui qui ne sont pas de lui-même, il est obligé de continuer à vivre et se donner l'impression d'un lui-même. Et qu'est-ce que c'est l'impression d'un lui-même qu'il se donne? C'est sa crise de carrière. Là, s'il y a une carrière, puis qu'il y a un gros desk, faut qu'il soit gros le desk, monsieur. S'il y a un gros desk, là, puis une secrétaire, là, il est au bout, il est settlé. Là, il est settlé pour la vie tant qu'il ne perd pas sa job. C'est une grosse impression, une carrière. Puis je parle des grosses carrières. Là. Des grosses. Tu sais, quand tu es rendu avocat, puis tu es rendu médecin, puis tu es rendu juge, là, tu brasses des grosses affaires. Tu sais, quand tu brasses des grosses affaires, tu deviens un gros brasseur de marde. Et automatiquement, tu te sens bien parce que tu n'as pas l'impression dans ta tête de rien faire. Tu as l'impression de faire quelque chose. Puis là, tu es content. Puis tu vis dans cette conscience astrale-là pendant des années de temps. Puis à 80 ans, tu meurs. Puis on t'écrit une eulogie parce que tu as brossé des grosses affaires de merde. Mais pour un homme qui se conscientise, qui doit développer une conscience supérieure, c'est-à-dire une conscience cosmique, c'est-à-dire une conscience qui n'est pas affectée par l'astral. Une conscience dont l'intelligence est totalement pure. Une conscience qui est totalement libre de tout ce qui se passe sur la planète Terre. Une conscience qui voit et qui comprend tout ce qui se passe à la planète Terre, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. À ce moment-là, le gars, la carrière, c'est plus bien important pour lui. Alors, naturellement, il faut qu'il mange, faut qu'il puisse trouver un petit job. Ou il peut avoir sa carrière pareille, mais sa carrière ne retardera pas son évolution. Parce qu'il ne vit plus d'impression. Mais ce n'est pas facile pour l'homme de ne pas vivre d'impression. Parce que l'homme est tellement insécure que s'il ne vivait pas d'impression, il vivrait une vie de dépression. Puis les gens qui souffrent de dépression dans la vie, c'est justement parce qu'il n'y a plus d'impression qu'ils nourrissent. Ils ont eu un choc, le gars il a lâché sa femme ou sa femme a lâché le gars. Là, il y a eu un choc dans le corps émotionnel, là, dans ce corps astral. Là, tellement fort que les impressions ne s'enregistrent plus. Vous autres, vous appelez ça « j'ai plus le goût de rien ». Tu sais, quand tu n'as plus le goût de rien, là, c'est parce que tu n'es plus nourri par les impressions. Fait que c'est top. Les médecins appellent ça une dépression. Fait que ce qui arrive, là, c'est que quand on est déprimé, on s'inquiète. Parce que c'est pas normal d'être déprimé. Parce que t'es supposé d'être un joueur de football 24 heures par jour. Faut que tu fonctionnes. Le gogo, le gros bureau, puis les grosses affaires de merde. Fait qu'on est habitué pendant des années de temps, fait qu'on a développé un momentum, un rythme, comprends-tu? Tout d'un coup, là... Si ça s'adonne dans ta vie que tu rentres en contact avec un drôle de gars, un yo-yo peut-être, là, qui te dit, bon, mais écoute, là, peut-être qu'un jour, il va se faire une connexion entre ton petit 110 puis du 220, puis quand ça va se faire, tes fils vont brûler. Fait que le gars, tu comprends, il écoute ça, puis l'autre, il dit, crois pas ce que je te dis, là, pour pas te créer trop d'impression. Mais un jour, ça vient, ça. Que le courant, il commence à rentrer, puis il commence à rentrer, puis il commence à rentrer. Puis avant, le gars, ben, il jouait au football, puis il brassait des grosses affaires. Puis tout d'un coup, Chris, il est plus intéressé à brasser des grosses affaires. Sa job, elle commence à couler. Sa femme, elle commence à s'énerver. La belle-mère, elle panique. Qu'est-ce que c'est ça, cette crise de fou-là que tu rencontres, Bernard de Montréal, là? Qui est tout à prêt de déboussoler le cadran, là. T'sais, avant, tu me créais des grosses impressions, puis à cette heure, tu ne vaux plus de la marde. Tu es à bon dans le lit, puis là, tu ne vaux plus rien. T'sais, on allait dans les clubs, puis là, tu n'y vas plus. Fait que, tu comprends que l'ego, lui, qui vit ça, il se retourne, puis il regarde. Peut-être que Bernard de Montréal s'est incapoté. Peut-être qu'il a raison. Il ne sait pas encore, parce qu'il a encore des impressions de la belle-mère. Puis du gros bureau, puis du brassage de marde. Fait que les forces continuent à rentrer, puis ça rentre, puis ça rentre, puis ça nettoie le corps astral, puis ça nettoie, puis ça nettoie, puis ça nettoie. Puis quand le corps astral est suffisamment nettoyé, là, le gars, il commence à penser par lui-même, puis il commence à avoir la vision de son intelligence, puis il commence à avoir la vision de lui-même, puis il commence à voir qu'il est intelligent, puis il commence à voir que le gros brassage de marde, ça faisait partie de son expérience, puis il n'y a rien là, puis c'était bon, puis c'était le fun, et ainsi de suite. Autrement dit, il commence à s'apercevoir que sa vie, la vie qui se développe en lui, l'intelligence qui se développe en lui, c'est pas ce qu'il a valu d'un livre. C'est pas ce que les gourous disaient. C'est autre chose que seul lui comprend. Quelque chose qui est ajusté puis adapté à sa propre personnalité intérieure. Puis ça se discute pas, puis ça se parle pas. C'est dur à expliquer, mais c'est là. Puis tu peux pas dire que c'est pas là. Parce que quand t'es déprimé, tu peux pas dire que t'es pas déprimé, hein? T'es déprimé. T'es down. T'es pas capable de rien faire. Puis c'est plat. Corps astral qui se vide, des impressions. Mais nous autres, les hommes, on est habitués à vivre. Tu sais, la vie sur la terre, la vie inconsciente sur la terre, c'est un party. Puis les gens aiment ça, des parties. Des chars avec des grosses vitesses, des femmes avec des gros seins, des grosses affaires. C'est un party! C'est un party inconscient, mais c'est un party. Les vacances à tous les ans. Il y en a, faut qu'ils fassent le petit voyage en Europe puis à Mexico à tous les ans. Parce que ça fait partie de leur culture. Faut qu'ils aillent au musée en fin de semaine, faut discuter les arts. On vit d'impressions, on est bourré d'impressions, on est comme des vrais tartes. Mais le problème, c'est qu'on est des tartes aux raisins. Puis, on le réalise pas tant que nos raisins commencent à s'assécher. Tout d'un coup, les raisins, ça s'assèche, puis ça s'assèche, puis ça s'assèche, puis ça s'assèche. Puis éventuellement, on s'aperçoit que la tarte qu'on a mangée depuis des années, qui était bien bonne, a plus de goût, est fade. Pourquoi? Parce que notre corps astral a perdu de ces impressions-là. Et l'initiation solaire de tous les hommes sur la planète Terre, ça se résout à ça. C'est la transformation de la conscience astrale de l'homme. Et c'est pas facile. Puis les gens ne vivent pas la transformation du corps astral, pareillement. Il y en a qui passent, ça va assez bien. Il y en a qui sont un petit peu plus rares, ainsi de suite. Mais ça revient toujours au même principe. Parce que l'homme, un jour, je parle de l'homme qui devient demain autre. L'homme, un jour, doit être capable, simplement par sa volonté, la volonté de son intelligence. Il doit être capable de contrôler sa destinée. Ça veut dire, il doit être capable de faire ce qu'il veut. Dans la vie matérielle, visible, ou dans la vie immatérielle, invisible. Il doit être capable de faire ce qu'il veut. Autrement dit, il doit avoir une continuité de conscience. Mais pour qu'il y ait une continuité de conscience, il faut qu'il y ait une continuité en lui. Autrement dit, il faut qu'il soit plugué. Il faut que son 110 soit connecté au 220. Mais nous autres, on a été sur le 110 pendant des... Tu sais que... Nous autres, on est sur le 110 depuis des siècles, puis des années de temps, individuellement. Puis on n'a jamais réalisé que c'est l'Hydro-Québec qui fournit le 220. On a toujours pensé que c'est le 110, puis un jour, il y a une panne d'électricité, puis on grève, puis on ne comprend pas ça. On dit, c'est normal, il n'y a plus de 110. Mais la raison qu'il n'y a plus de 110, c'est parce qu'on n'a jamais réalisé qu'on était plugué au 220. Puis si on avait réalisé qu'on était plugué au 220, quand venait le temps de couper le courant, nous autres, on aurait maintenu la manette là. La manette, elle descend pas ici parce que c'est mécanique, puis c'est planétaire, puis que l'âme décide de faire tomber la manette. Moi, la manette, elle reste là. Mais pour que toi, tu restes là, ta manette, faut que tu sois plus fort que l'autre en haut qui va la faire descendre ici. C'est ça de la volonté. Quand je parle, j'énerve tout le monde avec l'affaire de l'âme, là, Glenn, hier, là. Tout le monde l'a vu, la manette, c'est là. T'arrives avec 70 ans, la manette, l'âme, elle décide de te faire monter de l'autre bord, là. Bah, toi, tu crèves. Il n'y a personne qui a pensé que... Oh, ça, manette. Ouais? Parce que ça se pense pas. Faut que tu le saches. Mais pour que tu le saches, faut que tu sois dans ton intelligent. Puis pour que tu sois dans ton intelligent, faut que les impressions qui sont dans ton corps astral partent. Puis c'est ça nos souffrances, puis c'est ça vos souffrances, puis c'est ça les souffrances que vous allez souffrir pendant des années de temps. Parce que vos souffrances vont pas arrêter la semaine prochaine. Tu peux pas être heureux sur la Terre quand tu te conscientises, c'est impossible. Parce que t'es conscient. Tu peux être bien dans ta peau, hein? Mais tu peux pas être heureux, c'est impossible. Moi, je suis pas un homme heureux, je vais être jamais, puis je suis pas intéressé à l'être. Mais je suis bien dans ma peau, hein? Puis je vous garantis que mon bien dans ma peau est encore plus, a plus de valeur que votre heureux à vous autres. Parce que moi, je sais que la manette, elle va rester là. Mais ça se discute pas, cette affaire-là. Ça se rationalise pas, cette affaire-là. C'est pour ça que rendu à un certain moment dans l'évolution pour expliquer, donner une instruction à l'humanité, comme même que Joe Blue, Université de Montréal, PhD, il viendrait et dit, Bernard, quelle preuve que t'as? Je n'ai pas de preuve. Puis je suis pas intéressé à t'en donner, puis je t'en donnerai jamais. Preuve. Je te parle. Fait que si t'as des oreilles, puis t'as de l'intelligence, tu vas comprendre un jour, puis si tu n'as pas, tu crèveras. La manette va tomber. C'est tes affaires. Pas de preuve. Alors, notre conscience astrale, c'est ça qui fait que la manette descend. Toutes les impressions qui sont en nous autres nous enlèvent le pouvoir de maintenir la manette ici. C'est pour ça que l'homme n'est pas conscient. C'est pour ça que l'homme n'a pas de pouvoir sur la matière. C'est pour ça que l'homme n'a pas de pouvoir sur son esprit. C'est pour ça que l'homme est totalement dans les ténèbres. Parce qu'il vit d'impressions. Il vit dans sa nature animale, intelligente. Ses émotions coulent ses pensées, puis ses pensées affectent ses émotions. Fait, la force qu'il a besoin pour tenir cette manette-là ici, il l'a pas. Parce que faut avoir les reins solides en maudit pour dicter à eux autres ce que toi tu veux ici. Pour dicter à eux autres ce que tu veux toi ici. Il faut avoir les reins forts. Il faut être intelligent. Qu'est-ce qui coupe notre intelligence? C'est toutes les impressions dans notre corps astral et c'est tout ce qui revient à l'émotivité. Puis ça, c'est su, c'est connu, ça a été écrit, transcrit, traduit depuis des siècles. C'est du matériel qu'on accepte philosophiquement dans les écoles ésotériques mondiales. Mais il n'y a personne qui a jamais expliqué comment ça marche. La mécanique. Parce que il n'y a personne qui a réellement parfaitement compris l'importance de l'homme sur la Terre. L'importance de la conscience humaine sur la Terre. L'importance de tous les principes dans l'homme sur la Terre. Mais aussi l'importance pour l'homme de comprendre la nature de son émotivité en relation avec son intelligence. De l'intelligence, ça ne se discute pas. C'est une énergie, ça ne se discute pas de l'intelligence. Fait que quand tu es dans ton intelligence, puis tu agis selon ton intelligence, quand même ta belle-mère à discuter avec toi. Tu vas perdre ton temps à discuter avec elle. Ça se discute pas. Mais tant qu'on n'est pas dans cette intelligence-là, dans notre intelligence, automatiquement, on laisse un petit peu de ces impressions-là affecter notre intelligence. C'est pour ça qu'on est incapable de nous réaliser soi-même, de se réaliser soi-même. D'avoir, de développer une continuité dans notre conscience pour qu'un jour, au lieu de crever et aller dans la terre, bon, on change de plan. Ou qu'on rencontre du monde qui sont du monde. Parce qu'il y en a du monde dans le monde qui sont du monde. Ils ne sont pas nécessairement sur le plan physique. Alors, le corps astral, c'est ça. Puis on vit à l'ambiance astrale à tous les jours, day in, day out. Quelle personne ne vit pas dans une journée une condition vibratoire qui l'oppose à son intelligence et qui l'influe de par son émotivité astrale? Quelle personne, dans une journée, ne va pas faire un compromis? Puis si je parle du compromis, je peux prendre ça comme point de référence absolu. Qu'un compromis, c'est une condition astrale sur votre intelligence. Aussitôt que vous faites un compromis, vous diminuez l'énergie que vous avez besoin pour maintenir la manette là. Ne demandez-vous pas pourquoi tout le monde crève, c'est normal. Parce qu'on ne vit pas ici, on vit là. Et c'est pour ça que dans les temps qui viennent, les hommes, parce que là, ils se répandent dans le monde de la connaissance suffisamment avancée pour débloquer l'homme, pour débloquer l'homme. Et c'est pourquoi les hommes trouveront très, très difficile cette connaissance-là. Parce que cette connaissance est le produit du combat entre ça et ça. Moi, ce combat-là, moi, vous donner cette connaissance-là, c'est facile parce que je l'ai vécu, ce combat-là. Le combat où mon esprit domine sur mes impressions intérieures que j'ai accumulées au cours des années de temps. Mais pour l'homme dans la rue, c'est pas facile. Moi, dans un sens, j'ai eu une vie privilégiée parce que la fusion m'a permis de ne pas pouvoir faire de compromis pour qu'il y ait un canal. Mais l'homme qui va vers la fusion lentement n'a pas cette opportunité-là de ne pas être capable de faire de compromis. Fait que pour l'homme, c'est pas facile. Et c'est pour ça que pour l'homme, la souffrance est différente, mais pas nécessairement moindre. Parce que ça vient toujours au même principe. L'intelligence, le corps mental supérieur qui se développe quand le corps astral se change, se transforme. Ça, c'est fait de la matière ici. Fait que les gens qui sont pas prêts à réaliser la nature des impressions qui se logent dans leur astral ne peuvent pas, ils ne pourront jamais construire un corps mental supérieur parce qu'il est fait de ça. Et c'est la transmutation de la conscience astrale de l'humanité du 20e siècle qui créera sur la Terre une nouvelle race d'hommes. Ça, c'est un aspect du corps astral. Les hommes n'ont pas encore de vue. Les hommes n'ont pas encore la vue de l'intelligence. Autrement dit, les hommes ne peuvent pas voir encore l'invisible, ne peuvent pas connaître les mécanismes extrêmement somptueux de ces mondes-là. L'homme a l'impression qu'il vit sur une planète matérielle, puis que sa petite vie est bien. Mais quand l'homme commence à regarder dans l'invisible,

Et l'attitude de l'homme ne se continue pas seulement pendant la vie, elle se continue même après la mort. De sorte qu'un homme qui meurt continue dans le monde astral, dans le monde de la mort, à rechercher la connaissance. Mais d'une façon différente. C'est que dans le monde de la mort, l'homme étudie sa mémoire, tandis que dans le monde de la vie, il est obligé de créer sa mémoire et d'utiliser ce qu'elle contient. Tandis que dans le monde de la mort, l'homme est voué à l'étude de sa mémoire et il ne peut pas créer d'autres mémoires. Il ne peut pas ajouter à sa mémoire. C'est pour ça que dans le monde de la mort, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a d'évolution possible que sur le plan matériel. Parce qu'il y a des gens qui sont en évolution vers la communication. Mais je vous ai toujours dit, plus j'avance, plus je détruis ce que j'ai créé. Et plus j'avance, plus je détruirai tout ce que je crée. Parce que ce que je crée, ce sont des marches pour vous faire monter. Et je détruirai les marches que j'aurai créées. Alors, c'est pour ça que je dis, ne croyez jamais ce que je dis. Écoutez, travaillez avec ce que je dis. Et demain, quand je détruirai ce que j'aurai dit, vous serez libre de ce que j'aurai dit. Et vous aurez des choses, et des choses, et des choses. Et comme ça, je pourrai amener l'homme à comprendre les mystères de son esprit. Et quand l'homme comprendra les mystères de son esprit, c'est parce qu'il sera dans l'esprit de son mystère. Et à ce moment-là, l'homme pourra travailler d'une façon universelle et cosmique. Il n'y aura plus d'astralité. Quand vous allez à la petite école, on vous enseigne les chiffres, et ensuite on vous enseigne d'autres chiffres, et ensuite on vous enseigne d'autres chiffres. C'est la même chose. La vie est une école. Et je mets en garde, surtout dans la période où nous sommes, dans les années 82, 83, je mets en garde les gens qui sentent quelque chose, qui sont quelque chose, qui ont quelque chose, mais qui font quelqu'un du quelque chose qu'ils sentent et qu'ils sont. Nous n'avons pas d'idée sur le plan matériel tant que nous sommes dans la matière. Nous n'avons pas d'idée jusqu'à quel point nous sommes contaminés et empoisonnés. Pour les meilleures raisons au monde. Il ne s'agit pas pour l'homme de rechercher l'humilité. Parce qu'un homme qui recherche l'humilité ou qui se sent humble, est déjà dans l'orgueil de l'humilité. Dans l'humilité, dans cet état d'esprit où il n'y a pas de quelqu'un dans le quelque chose, il n'y a aucune pensée de soi, et aucune pensée vers soi, et aucune pensée pour soi. Il n'y a que de l'intelligence. Les psychologues disent souvent que, pardon, les psychologues parlent souvent de cette réserve océanique qu'est le subconscient de l'homme. Cette réserve océanique qu'est le subconscient de l'homme, c'est sa conscience astrale. Ça vous montre jusqu'à quel point l'homme est empoisonné. C'est pour ça d'ailleurs que l'évolution de l'homme vers l'intelligence, la pénétration de l'homme dans les mondes invisibles, est un processus de très longue haleine. C'est normal. Parce qu'avant que l'homme puisse brûler ses couches et ses couches et ses couches et ses couches et ses couches et ses couches, ça prend du temps. À moins qu'il vive la fusion instantanément. Alors, c'est normal qu'il soit long. Lorsque je dis que la conscience astrale est la conscience animale de l'homme, je dis deux choses. Je dis que la conscience astrale protège l'homme contre l'intelligence. Deuxièmement, je dis que la conscience astrale protège l'homme contre l'aspect cosmique en lui. C'est pour ça que souvent les êtres qui ont des expériences dans ces mondes et qui vivent des reflets d'eux-mêmes sont bouleversés par ce qu'ils voient. Parce que lorsque l'homme est en dehors de la conscience astrale, lorsqu'il n'est plus infecté par la conscience astrale, il vit dans un univers mental dans lequel il n'y a aucun son. Et le son est extrêmement important pour l'homme, parce que le son donne à l'homme. Le son pour l'homme, c'est équivalent à l'équilibre de son esprit. Un homme qui vit dans un univers où il n'y a pas de son perd l'équilibre. Et dans l'astral, c'est la même chose. Mais lorsque l'homme sort de l'astral, qu'il entre dans le monde mental, dans le monde de l'intelligence, il n'y a pas de son. Et ce sont des choses qui n'ont jamais été expliquées à l'homme. Parce que l'homme n'a jamais été capable, dans le passé, d'accepter sa responsabilité d'être en dehors de l'astral. L'homme a toujours été spirituel. Si l'homme avait été capable de vivre en dehors des impressions astrales, l'homme aurait connu des états d'esprit dans lesquels il n'y a pas de son, et à ce moment-là, l'homme aurait créé, il aurait créé du son. Et lorsque l'homme créera du son, l'homme aura le pouvoir sur la nature. Mais c'est lui qui créera le son. Ce ne sera pas un son qui fera partie de sa conscience astrale. Ce ne sera pas un son qui aura une relation mystique avec la nature spirituelle d'un haut messager dans ces mondes. Ce sera un son qu'il créera lui-même parce qu'il sera dans l'esprit parfait de l'intelligence de son rayon. Et ce son sera précisément une manifestation de l'intelligence en lui et du rapport entre lui et l'intelligence, de sorte que aucun homme n'aura le pouvoir de produire le son d'un autre homme. Et le pouvoir de créer le son dans ce monde mental, dans cet éther mental, sera la distinction entre l'homme et quoi? Ce sera la distinction entre l'homme et quoi? Cet homme sera un surange. Et ce sera la distinction, l'homme qui créera le son, son propre son, sera une distinction entre l'homme et quoi? Entre l'homme? Entre l'homme et l'homme? Non. L'homme sera déjà sur homme, il sera au-delà. Mais ce sera une distinction entre l'homme et quoi? Entre l'homme et la tombe. Ce sera la distinction entre l'homme et la tombe. L'homme aura le pouvoir sur la tombe. L'homme régnera en maître sur la tombe. Autrement dit, dans ce temps-là, au lieu que l'homme soit fait d'atomes, l'homme créera le son qui dispersera les atomes. You understand that, Claude? L'homme aujourd'hui est fait d'atomes. Il est prisonnier du son. Il ne peut pas le créer. Dans ce temps-là, l'homme créera le son et le monde de l'atome s'ouvrira. Alors, l'homme ne sera plus fait d'atome. Il y aura une distinction parfaite entre l'homme et l'atome. L'homme sera quoi? L'homme sera un créateur. L'homme sera un créateur. Et tous les êtres qui sont créateurs, ne sont pas faits, ne sont pas constitués d'atomes. Ils sont constitués de quoi? D'énergie. L'énergie est plus haute que l'atome. L'atome, c'est la constitution, la condensation de l'énergie. L'homme sera énergie. Je ne peux pas répondre à des questions. Je ne peux pas. Il faut que j'aille dans mon... Il y a un temps. Si je suis coupé de le savoir, c'est pour que vous me le dites. Mais je ne peux pas... Je suis fixé dans ce que je dis. Mais ça vient. Alors, l'homme ne sera pas fait d'atomes. L'homme sera énergie. Et c'est difficile pour l'homme de comprendre ceci. De comprendre qu'est-ce que c'est que ça veut dire d'être énergie. Et si vous demandez à vos ajusteurs de pensée, ils vous le diront parce qu'ils sont énergie. Ensuite, à manger, les ajusteurs de pensée sont énergie. Comme ils comprennent. Comprendre, c'est être astral. Savoir. Aussitôt qu'on comprend, on est astral. Aussitôt qu'on comprend, on ne peut pas savoir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre certaines choses comme le phénomène d'être énergie. Alors, c'est pour ça que je dis que le phénomène de comprendre, c'est là, le phénomène de la connaissance, est un phénomène astral et fait partie de l'inversion. L'homme possède des moyens extrêmement précis pour comprendre, pour réaliser jusqu'à quel point il est assujetti aux impressions qui créent la conscience astrale. Et un des moyens les plus précis permettant à l'homme de réaliser ceci, c'est l'attention qu'il porte à lui-même. La moindre attention que l'ego porte à lui-même est astrale. Là, je vous donne une règle de mesure très précise et qui contient tous les paramètres possibles de l'expérience humaine vis-à-vis la conscience astrale ou vis-à-vis l'impression qui constitue le domaine même de la personnalité inconsciente de l'homme qui est la conscience astrale. Aussitôt que l'homme vit l'impression qu'est-ce que j'ai dit avant? Aussitôt que l'homme vit de l'impression ou est assujetti à l'impression. Qu'est-ce que j'ai dit? de porter une attention à lui-même. Il est sous l'emprise de la conscience astrale. Ça, ça vous donne, cette clé-là, cette règle de mesure-là, vous donne une idée jusqu'à quel point on est astral. C'est pour ça que l'ego de l'homme, ou l'homme inconscient, ou l'homme, à un niveau quelconque d'évolution, aussitôt qu'il entre en contact avec une forme ou autre d'intelligence, il est naturellement porté à la rejeter. Parce que l'homme, pour vivre sur la Terre et pour être équilibré psychologiquement, il doit porter une attention à lui-même. Il doit vivre, il est forcé de vivre d'une certaine attention à lui-même. Autrement dit, il est forcé, l'homme, pour être équilibré, d'être astral. Quand vous oubliez ce que... C'est pour ça, d'ailleurs, que je parle d'une certaine façon. Quand je vous parle... Je vous parle d'une façon vibratoire qui vous empêche de ramener vers vous-même ou de créer envers vous-même une attention quelconque liée à mes paroles. Ça coûte automatiquement, c'est comme si vous ne comprenez rien, ou c'est comme si vous avez la tête vide, ou c'est comme si vous n'êtes pas capable de vous mémoriser. Autrement dit, vous n'êtes pas capable de faire de la mémoire avec ce que je vous dis. Ça cause automatiquement, ça vous empêche de créer une attention envers vous-même que vous feriez si vous aviez cette mémoire-là. Exemple. Supposons que vous allez à l'université, vous prenez des cours en philosophie. Vous allez à l'école, vous apprenez quelque chose. Ce que vous allez apprendre, qui va faire partie de votre mémoire, vous allez vous le diriger vers vous-même. Ça va servir, ce matériel-là, à vous donner une valeur quelconque face à vous-même. Et ça... ça fait partie des mécanismes astraux de l'homme. Alors, automatiquement, plus vous n'avez de ça, mais plus vous êtes équilibré. C'est ça, parce que vous cherchez un intérêt dans tout, et en cherchant l'intérêt dans tout, vous collez l'intérêt à vous-même. Et automatiquement, vous créez un vous-même qui est équilibré, c'est-à-dire qui est à la fois perméable, qui est à la fois perméable, ouais, ça va venir, qui est à la fois perméable, enfin, je ne comprends pas ce que je veux dire. Vous créez quelque chose qui est à la fois perméable, c'est-à-dire que vous créez comme une couche de conscience qui peut être percé par votre intelligence, mais qui n'est pas complètement imperméable à cette intelligence. C'est un filtre. Alors, ce filtre-là vous permet d'être équilibré, mais en même temps vous permet d'être déséquilibré. Un être inconscient est toujours équilibré, ou peut être équilibré, mais s'il y a trop d'intelligence qui rentre, là, il devient déséquilibré encore. Alors, l'équilibre est nécessaire. Alors, les impressions que vous recevez créent un équilibre. Mais si vous êtes trop près de l'intelligence à cause de votre niveau d'évolution, viendra un jour où l'intelligence va rentrer dans cette couche-là et automatiquement, ça crée le déséquilibre. Mais les gens, en général, quand ils vivent de déséquilibre, là, ils s'inquiètent. Parce qu'avant, ils étaient équilibrés dans l'astral. Là, ils sont déséquilibrés pour rentrer dans le mental supérieur. Puis, ils ne sont pas équipés astralement pour le comprendre. Parce qu'ils n'ont pas reçu les impressions nécessaires pour comprendre ce déséquilibre-là éventuel. Et le déséquilibre éventuel est nécessaire parce qu'il indique le passage d'un état de conscience à un autre. C'est ça, exactement. Il faut que l'homme puisse travailler avec les deux. Mais quand tu rouvres un robinet, à ce moment-là, tu changes la température de l'eau. Puis, on n'a pas été donné les impressions qui nous permettent d'absorber ça parce qu'on n'a jamais été donné une instruction. On a été donné beaucoup d'enseignements, mais les enseignements font partie du monde de l'impression. Tandis que l'instruction ne fait pas partie du monde de l'impression. L'instruction fait partie du monde mental, fait partie du monde de la correction des impressions. L'instruction corrige les impressions, tandis que l'enseignement crée des impressions. Alors, pour l'homme, c'est normal de vouloir être équilibré, et automatiquement, c'est normal pour lui de rechercher dans la vie des impressions qui créent cet équilibre-là, qui est un équilibre temporaire. Mais ça fait partie de sa conscience astrale, sa conscience des impressions, qu'il puisse le faire, ça, ou qu'il doive le faire. Alors l'homme est pris entre devenir quelque chose d'autre ou d'être ce qu'il croit le plus valable pour lui selon les impressions qu'il a vécues. C'est pour ça que c'est si difficile à l'homme de comprendre le processus de transmutation de ses corps et d'accepter facilement au niveau de l'ego qu'il y ait un déséquilibre. Parce que l'ego veut toujours être équilibré. Et c'est normal. Mais c'est astral. Un homme qui est conscient ou un homme qui est total, un homme qui est totalement intégré, n'a pas besoin de s'inquiéter d'être équilibré ou déséquilibré. Il est simplement dans l'intelligence. Si l'intelligence, elle est très, très, très, très, très forte, à ce moment-là, il peut se créer en lui un déséquilibre. Moi, je sais bien que j'ai des changements vibratoires de temps en temps qui sont très forts, puis ça déséquilibre mes centres, mais ça se réajuste après. Fait que je prends un break, je me mets au neutre pour absorber l'énergie. Tandis que les gens, quand ils absorbent l'énergie, puis qu'il y a un déséquilibre, là, l'ego rentre en jeu. Là, ils font de l'overtime, puis là, ils souffrent de leur déséquilibre, tandis que moi, je ne souffre pas du déséquilibre, j'attends que je me rééquilibre à un autre niveau. Alors, on est comme une balance, et aussitôt que l'énergie rentre, bien, à déséquilibre la balance, c'est normal, ça ne peut pas être autrement, mais vient un point où on est habitué au jeu de l'équilibre et du déséquilibre, et éventuellement, on est capable de vivre des moments dans notre vie où on est déséquilibré, mais on sait que ce déséquilibre-là est temporaire, mais ça n'affecte pas notre esprit. Ça affecte simplement nos corps. Il faut laisser couler. Il faut qu'on s'habitue parce que là, on est en 1980, mais en 85, 90, 95, il y en a parmi vous autres qui allez suivre des déséquilibres extraordinaires. Vous allez probablement être sur la rue, puis il va se faire une séparation de vos corps. Vous pouvez être dans la maison, puis il peut se faire une séparation de vos corps. Vous pouvez même perdre connaissance dans la dislocation de vos corps. Alors, les changements vibratoires vous amènent petit à petit à pouvoir vivre des déséquilibres énergétiques sans que vous soyez obligé de vivre sur le plan matériel des conditions d'inconscience où vous pourriez vous faire mal en tombant à terre. Autrement dit, les gens dans le monde qui sont sensibles aux énergies cosmiques, qu'on appelle des psychiques ou des médiums, ce sont des gens qui ont des vies matérielles souvent qui sont très pénibles. Ils souffrent énormément dans leur corps. Et c'est pas normal. On doit être capable d'absorber cette énergie-là et ne pas être déséquilibré à un point tel qu'on perde conscience, qu'on tombe à terre, parce qu'il y a une dislocation et une séparation de nos principes. Et pour qu'on en arrive à ça, il faut qu'on en arrive à comprendre la loi des impressions et la loi de notre corps astral qui fait que notre conscience égocentrique, elle est fondée sur les impressions qu'on a reçues, qui constituent la nature même de notre égocentricité puis de notre conscience, qui est à la fois un peu intelligente et à la fois animale. Parce que l'homme, dans son expérience occulte, dans son expérience interne, a toujours peur de la mort. Et pourquoi est-ce qu'il a peur de la mort? Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est la mort. Mais si l'homme savait qu'est-ce que c'est la mort, si l'homme se connaissait et si l'homme connaissait sa destinée, il n'aurait pas peur de la mort. Il saurait que ce qui se passe, même si c'est semblable à la mort, ce n'est pas la mort. Moi, si je suis couché dans mon lit, puis mon cœur change, puis ma respiration change, tout mon système change, puis je deviens froid, je sais que je ne vais pas mourir, fait que je ne panique pas. Il y a une séparation des corps, puis c'est le même que ça marche. Mais il faut que les gens apprennent ça. Et ce qui nous empêche de pouvoir comprendre ça, puis de pouvoir vivre ces expériences-là, c'est pour ça qu'il faut que ça se fasse très lentement, la transmutation des corps chez l'homme. Parce que sans ça, les gens se trouveraient dans des situations qui ne sont pas bénéfiques. C'est pas comme aller en astral quand tu te dédoubles. Quand tu vas en astral, tu sors, puis tu rentres, tu as un cordon et tout. Mais quand tu te dédoubles, puis tu as un autre corps, tu as un corps de lumière, puis tu t'en vas dans des plans, dans des mondes de lumière, il n'y en a plus de connexion entre ton corps physique, de cordon entre ton corps physique et ce corps-là. Il est totalement libre, ce corps-là. Il est maintenu en vie par des courants d'énergie, mais non par un cordon ombilical, comme on connaît au niveau du corps astral. Alors, l'homme doit être petit à petit amené à une transmutation, et là où se situe le plus grand travail de cette transmutation, c'est dans le changement des impressions dans son corps astral. C'est pour ça que le corps astral, la conscience astrale, le monde interne de l'homme qui est fait de, composé de, d'impressions, doit être petit à petit réajusté pour que l'homme sache et comprenne instantanément les impressions qui influent de l'extérieur vers lui et qui sont déjà en lui-même. De sorte que quand il se fait un dédoublement, quand l'homme est amené à un taux de vibration différente qui sépare ses corps, qu'il ne soit pas pris de panique et qu'il ne soit pas obligé d'attendre plus tard ou beaucoup plus tard pour qu'il y ait séparation. Et ce qui nous empêche de vivre le dédoublement éthérique, c'est notre conscience astrale. Alors, si on vit un dédoublement, au lieu de vivre un dédoublement éthérique, ben on vit un dédoublement astral. Puis un dédoublement astral, ça nous mène nulle part. Ça nous mène nulle part parce qu'un dédoublement astral, c'est une condition de la conscience astrale qui permet à l'homme de simplement vérifier l'état énergétique de sa mémoire et de prendre conscience de toutes les impressions qui sont dans sa mémoire. Alors, ça mène l'homme nulle part. L'homme ne peut pas rentrer dans l'intelligence avec un corps astral. Et son corps astral sera toujours une manifestation de ses préconditions de vie. C'est-à-dire que son corps astral sera toujours une manifestation, ou son activité astrale sera toujours une manifestation de sa mémoire antique. Alors, c'est un cercle vicieux. Alors, la séparation entre l'astral et l'éthérique chez l'homme, c'est une séparation qui peut être extrêmement douloureuse pour l'homme, qui est extrêmement pénible. C'est pour ça que la transmutation des corps se fait lentement. Et comment elle se fait? Elle se fait en forçant l'individu de par l'intelligence qui entre à réaliser l'impression subjective en lui dans la vie de tous les jours. C'est ça qui créera dans les années à venir nos souffrances. Parce que la transmutation de l'homme, l'évolution future de l'homme, ne se fait pas de la main des hommes. Elle se fait directement en relation entre l'homme et l'intelligence en lui. Et les lois sont totalement différentes de ce que nous connaissons ou de ce que nous pouvons manifester ou manipuler occultement sur le plan matériel. Un maître peut enseigner quelqu'un à aller en astral, un maître peut enseigner à quelqu'un à faire des choses, mais ce qu'il enseigne à celui qui apprend fait toujours partie de la loi des impressions. Et c'est pour ça qu'il vient un point où c'est le corps astral de l'homme et le corps éthérique de l'homme sont tellement mélangés que les gens ne savent pas s'ils sont dans l'astral ou s'ils sont dans l'éther. Et pour qu'ils réalisent s'ils sont dans un plan d'énergie ou dans un autre plan d'énergie, il faut qu'ils aient l'intelligence des impressions qui constituent la nature de leur personnalité. Et c'est pour ça que je dis, l'homme doit apprendre ou réaliser avec le temps à porter de moins en moins d'attention à lui-même. Pas dans le sens qu'il s'oublie ou dans le sens qu'il fait un effort, mais dans le sens que lorsque l'impression se manifeste en lui d'une attention à lui-même, qu'il le réalise instantanément. Et c'est pas aussi facile que ça semble. Graphiquement, je vais vous l'expliquer. Supposons que vous êtes avec quelqu'un, deux personnalités, vous parlez, ou vous avez quelque chose à faire ensemble. Le moment que vous sentez votre ego, c'est une impression astrale. Le moment que vous sentez votre ego avec une personne, c'est une impression astrale. Alors, quand vous sentez votre ego en relation avec une autre personne, vous portez attention à vous-même. Ça fait que ça va loin. Et c'est cette attention à vous-même que vous portez qui vous empêche de pouvoir vous dédoubler. Ça fait partie de l'impression. C'est juste. C'est juste. Parce que quand un ego est libre des impressions dans son corps astral, il n'y a plus de réflexion. Fait qu'à ce moment-là, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est comme... c'est un quelque chose qui rencontre quelque chose. C'est pas quelqu'un dans quelque chose. Mais ça, c'est pas une attitude que vous pouvez développer. Moi, je vous parle, quand je vous parle, il y a des changements de conscience qui s'opèrent ensuite. Mais il faut que ça soit dit quelque part, parce que ce sont des choses qu'on peut pas réaliser par nous-mêmes, qu'on peut pas effectivement prendre conscience, parce que notre conscience astrale nous bloque. Fait que aussitôt que vous portez attention à vous-même, même si c'est pour des raisons positives, c'est astral. Dans le fond, quand je vous dis ça, je vous dis des choses que vous allez réaliser dans des années à venir. Mais vous pouvez commencer à le comprendre maintenant. Mais c'est dans des années à venir que vous allez être capable de vivre totalement en dehors de l'attention portée vers vous-même. La conscience de l'ego est astralisée. La preuve, c'est que vous avez de l'orgueil. Aussitôt que l'ego a une conscience de lui-même, il y a de l'orgueil. Quand il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de désir, parce que la conscience astrale est totalement transmutée, à ce moment-là, ben, vous êtes quelque chose de créatif. Le désir de bien faire, le désir d'avoir de bonnes attitudes fait partie des impressions positives dans votre corps astral. Oui, c'est ça que je dis. Le mal, le bien, c'est mal. Le mal, c'est mal, puis le bien, c'est mal. Autrement dit, tout est mal. Autrement dit, sur la Terre, tant qu'on n'est pas cosmique, on est influencé par le mal de l'univers. Quand ils disent, les Anglais, les Américains, ils disent Hell is paved with good intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est exactement ça. Ah, pour moi, le mal est mal, puis le bien est mal. Je dis d'une façon, là, d'une façon qui est, que je perçois vibratoirement. Parce que quand t'es dans l'intelligence, je suis un vrai chien, je pourrais me dire. Quand t'es dans l'intelligence, t'es ni intéressé au mal, ni intéressé au bien. T'es créatif. Tu fais ce que t'as à faire. Si le gars il dit que c'est mal, c'est ta affaire, mais ça c'est ses affaires, puis si l'autre il dit que c'est bien, c'est ses affaires. Mais toi t'es neutre. Fait que t'es pas pris dans les impressions astrales de ta conscience. C'est pour ça qu'à ce moment-là tu peux fonctionner avec intelligence, c'est pour ça qu'à ce moment-là tu peux débloquer énormément d'énergie sur un plan quelconque, parce que justement tu n'es pas lié aux lois de la conscience astrale qui est une loi planétaire. Ce qui fait le bien, puis c'est exactement. Ce qui fait bien et le mal, c'est le fait de vous penser. Si vous ne pensiez pas, il n'y aura pas de bien, il n'y aura pas de mal. C'est le combat entre l'intelligence, autrement dit entre le mental et l'astral. Le combat entre le mental et l'astral, vous autres, se situe au niveau du mental inférieur et l'astral. Fait que plus le combat entre le mental inférieur et l'astral se fait, plus il y a une transmutation du corps astral, plus vous rentrez dans l'intelligence pure, vous m'en dites, dans le mental supérieur. Parce que dans le mental supérieur, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas de polarité dans le mental supérieur. C'est ça, puis c'est ça, dans ta tête. C'est simple. Mais aussitôt que tu changes, tu tombes sur une vibration inférieure dans le mental inférieur, ou que tu tombes, tu es prisonnier des lois astrales. Les lois de l'impression. Automatiquement, tu es pris dans le bien et le mal, puis la dualité. C'est là que ça devient la dualité. Mais tout revient naturellement au principe que l'ego se porte une attention. Non, vous n'avez rien à faire. D'ailleurs, vous ne pouvez rien faire. Quand tu essaies de penser, quand tu arrêtes de penser, hein, tu peux pas arrêter de penser comme tu veux. Tu vas arrêter de penser éventuellement. Ça fait partie de la progression de l'homme vers la conscience supramentale, arrêter de penser. Tu peux pas arrêter de penser parce que tu arrêtes de penser. Moi, je suis pas de même. Même si tu fais de la méditation, et ainsi de suite. Mais c'est la prise de conscience. Le pouvoir de l'instruction pour l'homme n'est pas dans les mots. Il est dans la vibration des mots. Alors, quand vous êtes dans la vibration des mots, il y a une énergie qui rentre, c'est ça qui constitue le changement, qui vous aide éventuellement à prendre conscience, et à prendre conscience, et à prendre conscience, et à prendre conscience. La vibration, l'énergie de l'intelligence dans les mots qui sont employés pour la véhiculer, c'est ça qui vous permet de prendre conscience, qui vous amène à des expériences où vous réalisez, puis vous réalisez, puis vous réalisez, puis c'est là que la transmutation du corps astral se fait. Vous pouvez rien faire par vous-même, ça se fait quand ça vient l'événement. Mais en ayant pris conscience de la loi de ça, c'est là que l'expérience devient conscientisée. C'est quand l'expérience devient conscientisée que vous entrez dans votre conscience, autrement dit dans votre intelligence. Mais une expérience qui n'est pas conscientisée, ça vaut rien. C'est simplement une expérience pour l'âme, vous retournez d'au bord anyway. Mais quand vous commencez à conscientiser vos expériences, vous en arrivez à un point qu'il n'y a plus grand-chose qui vous échappe. Parce que la vibration, aussitôt qu'il y a une impression qui se loge dans votre corps astral, la vibration de l'intelligence vous en rend conscient. Instantanément, vous en rend conscient. C'est pour ça que tu en arrives à un point que t'es quasiment ses nerfs. On dirait que la vie de tous les jours, là, à partir du moment que tu te lèves le matin, là, jusqu'au moment que tu te couches le soir, c'est comme si tu marches sur des œufs. Y en a-tu qui comprennent ça? Bon, on est comme si, on marche comme si les œufs. C'est comme le violon, c'est ça. Ça dure un certain temps, la corde de violon. Puis éventuellement, mais vous en arrivez à contrôler le violon. Mais vous êtes plus influencé à ce moment-là par les impressions dans votre corps. C'est pour ça que je dis, surtout pour les gens qui sont intelligents, puis les gens qui sont sensibles, puis les gens qui sentent en eux quelque chose, rappelez-vous l'importance de ne pas donner attention à ce que vous êtes. Et si vous apprenez à ne pas vous donner d'attention, à ne pas diriger d'attention vers vous-même, vous allez aider à désengager l'intelligence astrale en vous. Là, moi, vous en parlez. L'intelligence astrale de l'homme, c'est ce sentiment qui est dans son âme, qui fait partie de l'intelligence luciférique dans l'univers, mais qui est canalisée à des niveaux de vibration tellement bas que ça devient pour l'homme la base même de son raisonnement. Automatiquement, chaque fois que vous raisonnez, vous êtes dans cette intelligence-là. Faites-tu bon sens? Chaque fois que vous raisonnez, vous êtes dans cette intelligence-là. C'est pour ça que c'est si pénible à l'ego, puis si dur à l'homme, de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Tu sais, quand je dis qu'on n'y a rien à comprendre. Mais l'homme en vient, il y a des gens qui en arrivent à comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Que quand tu en arrives à comprendre qu'il n'y a rien à comprendre, c'est là que tu commences à comprendre tout. Mais l'homme est tellement habitué à raisonner qu'il amplifie constamment l'intelligence astrale. Autrement dit, il crée des conditions dans le monde astral qui permettent à l'intelligence luciférique de descendre et de descendre et de faire vibrer les parois de la conscience atomique des êtres qui sont subliminalement rattachés à la peau extérieure de son corps. Ça me prend un voyant, là. C'est qui voit dans c'est qu'il y a un écran mental. Hey, Claude! C'est parti? Bon, mais ceux qui peuvent voir, là, parce qu'il y a elle, avouez, en tout cas, ceux qui peuvent voir, moi, vous explique exactement comment est-ce que ça marche, la conscience astrale, la conscience. C'est comme une couche, disons comme une ballonne, il y a une couche. Puis au-dessus, juste en surface extérieure à ça, pas en l'intérieur, mais à l'extérieur, là, vous avez comme tous des petits points lumineux, bien rattachés. Puis ces petits points lumineux-là sont tous liés les uns aux autres, mais ils sont tous individuellement liés comme à des filaments très, très, très, très fins d'énergie qui se perdent dans le cosmos. Alors, c'est comme si chaque petit point lumineux est lié à cette énergie dans le cosmos, mais ils sont aussi liés en eux. Et ça, là, ça forme comme un net. Tu sais, un net de pêcheur, là. Ça, hein? Ça, tu veux que tu comprends ça? Ah, bon, OK. Tu en as parlé, il y en avait? OK. Alors, ça se fait comme un net de pêcheur, là. Puis ça, ça tient en place. C'est comme si ça maintient en place ce qu'on appelle la conscience astrale de l'homme. Puis à l'intérieur de ça, vous avez toutes les impressions. Ouais. Ça englobe, là, puis ça l'empêche tout ça en dedans là, de sortir. Alors, la force là, qui empêche tout ça en dedans de sortir, c'est le raisonnement. C'est la coquille dure qui tient l'œuf, pardon, qui tient l'œuf mou. Fait que quand vous raisonnez, vous autres, là, vous donnez la possibilité de tenir ça, cette affaire-là, en dedans. C'est pour ça que c'est si important d'en arriver à déraisonner, c'est-à-dire en arriver à parler avec. Parce que quand vous parlez avec, vous ne raisonnez pas. C'est de la communication. Quand tu communiques avec, même si ce n'est pas ajusté encore, le fait que tu communiques avec, tu brises ça, ce net-là. Fait qu'éventuellement, tu en arrives à ne plus avoir à communiquer avec, c'est plus nécessaire, parce que la fusion se fait. Fait qu'aussitôt que ça, c'est parti, ça en dedans, ça pète. Fait que là, c'est avec un canal d'énergie entre les mondes de l'intelligence. Là. Quand tu communiques avec, tu désorganises automatiquement. Tu désorganises avec. Tu désorganises avec. Tu désorganises avec. Oui. Oui. Oui. Ça, là, c'est le support logique. Oui. En fait, la logique, c'est la voix du raisonnement. Oui, oui, oui. Puis, c'est pas logique pour l'être humain de communiquer avec quelqu'un en dehors. Tu ouvres la communication. Dès que tu oses. Tu de communiquer avec quelqu'un dehors, tu brises la logique. C'est ça. Le signe qu'on est ajusté dans les premiers temps, en tout cas, là, puis même maintenant, c'est quand tu arrives des choses dans ta vie qui ne sont pas logiques. Puis jamais les ajusteurs vont travailler de façon logique parce qu'on ne pouvait pas connaître l'ajusteur de l'affaire. Ah, très juste. Très juste. Très juste. Si les ajusteurs travaillaient de façon logique, on ne pourra pas reconnaître les activités de l'astral. Très juste. C'est à poil. Fait qu'on se force. Puis comme on est habitué à fonctionner logiquement, ben on dit, mais les ajusteurs devraient fonctionner logiquement. C'est justement pourquoi ils ne peuvent pas le faire. C'est quand on commence à pas avoir d'allure, qu'on a de l'allure, puis éventuellement, tu n'as pas d'allure vis-à-vis du monde extérieur. Mais tu es tellement ajusté aux ajusteurs que tu as une allure que les gens de l'extérieur commencent à trouver. Moi, il y a des gens, tu te rends compte, moi, je te rends compte naturellement, bien du monde. Des fois, je vais avec ma femme dans le club, dans le nord, là. Je suis assis. Le maître d'hôtel est venu, c'est pas nous faire une bouteille de vin. Là, commence à jaser, le maître d'hôtel, papa. La première chose que tu sais, le club est fermé à 2h du matin. On est resté là jusqu'à 5h du matin. Il voulait plus nous faire partir. Pourquoi? Parce que là, il rencontrait un gars, là, d'un club, qui était plus logique. Là, il était content. Mais, tu viens à un point, t'es tellement ajusté dans ton illogisme, que t'es extrêmement intelligent. Autrement dit, t'es dans l'intelligence. Puis ça crée un choc à la logique. Ce choc-là à la logique, ça, ça avoir la force de porter le choc en retour. Ouais. Très juste. Très juste. Très juste. Et dès que tu oses briser la logique, mm-hmm. Là, c'est tout, tu sais, quand tu parlais du son, mm-hmm. On dirait qu'on a. La tombe, c'est un son. Mm-hmm. On est pogné dans ce son-là mm-hmm. de la phrase. Mm-hmm. Et à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu oses transgresser la logique, il y a la loi du retour, là, c'est pas la résonance du son, mm-hmm. C'est la réflexion. Mm-hmm. Puis c'est ça la force qu'on n'a pas, en tout cas qu'on n'a pas, qu'on a de la misère à avoir. Mm-hmm. Prendre une décision, ça marche. Mais aussitôt que tu fais un contact avec ton ajusteur, dès que tu fais le contact, il y a une autre réflexion qui se fait parce que la résonance de la phrase. Tu sais, quand tu dis que tu ne traînes pas la phrase impunément, mm-hmm. C'est la force de recevoir ce choc en retour-là sans vibrer, continuer ça.

Il peut y avoir une classification quand même. Tu vois le plan s'en aller en avant. Tu vois ça comme tomber comme ça. Mais tu ne sais pas, dans ta vie personnelle, comment ça va, où ça va tomber, puis quand ça va tomber, puis comment ça va tomber. Mmh. C'est ça qui est inquiétant pour la sécurité de l'été. Ouais. Ouais. C'est pour ça. Si la balle est lancée, là, tu la vises, là. Mmh. Elle va-tu tomber en dehors des lignes ou en dedans des lignes, tu sais, les gauches, c'est plus peine. Ouais, ouais, ils s'inquiètent. Du résultat de, des conséquences de. Ouais. Où ça va mener, ça? C'est qu'on sait pas, parce que nous autres, on n'est pas intelligents. On sait pas que la balle, elle va tomber dans un endroit où les conditions qui sont là, matérielles, je parle, sont pas celles que je vois d'ici. Mmh. Tu comprends-tu? Mmh. Par exemple, supposons qu'aujourd'hui, moi, je regarde mon compte de banque, là, pour prendre un exemple. Je peux pas m'imaginer que quand la balle va tomber, que le compte de banque, toutes les coordonnées vont être changées. Mm-hmm. Fait que je pense logiquement, puis logiquement, ça n'a pas d'allure, les coordonnées ne peuvent pas être changées. Ça, c'est de l'extrapolation. Mm-hmm. Mais on ne peut pas extrapoler dans l'intelligence. C'est instantané tout le temps. C'est ça. Et quand tu seras rendu là, ça tombera plus. C'est ça. D'accord. Tu peux pas extrapoler avec l'intelligence. Ça explique toutes les lois ouais. du raisonnement. Oui. Comme tantôt, c'est pas intelligent, c'est pas intelligent. C'est pas raisonnable, tant tout ce que tu dis, que l'homme conscient va vivre dans une facilité matérielle quand on voit tout ce qui se passe actuellement. Mm-hmm. C'est absolument illogique. Mm-hmm. Raisonner, c'est... Oui. Raisonner, c'est se servir de ce qui fait déjà partie de nos inquiétudes. Quand tu raisonnes, tu te sers de ce qui fait partie de tes inquiétudes. Tout le temps. Même si tu raisonnes un problème mathématique, tu as l'inquiétude de ne pas avoir trouvé la solution. Dans le raisonnement, tu sers toujours d'un standard qui a déjà été établi avec toi. Tout le temps. Il y a toujours des valeurs avant toi tout le temps. Qui ont déjà été là. Ouais. Conforme aux valeurs, c'est ça. Tandis que dans l'intelligence créative, il y a rien. Ouais. Exactement. Tu fais. Ouais. Donc, oui. Tu peux plus planifier? Non. La planification? Non. Dieu sait qu'on planifie. Oui. C'est la part de la méditation. Tu utilises un modèle déjà établi pour l'enrichir. Tu ajoutes au modèle qui est déjà établi. Le modèle, tu l'enrichis. Il est fait d'impression, le modèle. Ils disent que notre vie astrale, notre vie humaine, c'est une maquette. Puis on a l'impression de vivre d'une belle maison solide. C'est rien qu'une maquette. Puis elle est faite, cette maquette-là, de toutes sortes de matériaux qui sont maquettes, ce sont des impressions. Puis aussitôt là, qu'on commence à aller vers une autre sorte de maison qui est solide, là, qui est construite totalement différente, on panique. C'est assez long dans les deux, ça. Moi, tu avais déjà dit bien clairement, vous êtes donc fous. Vous êtes comme des... Tu sais, comme l'image que j'avais, là, c'était comme... vous êtes des petits bébés, là, non. dans les bras de votre petit frère de 2 ans. Mm-hmm. Vous pensez bien, bien, bien en sécurité. Mm-hmm. Vous autres, on voudrait vous reculer de là pour vous mettre dans une sécurité, mm-hmm. puis vous broyer. C'est ça. Moi, ils disent tout le temps, On comment est-ce qu'il dit ça? On se paye le ventre plein. Parce que on a l'impression d'avoir le ventre vide. Mais on a le ventre plein. C'est comme si le banquier était tellement là. Ouais. Ouais. C'est comme le goût, là, à un moment donné, quand quelque chose, comme il veut. Admettons que je veux changer de travail, ok? C'est comme si quelque chose que tu ressens que tu le sens encore, qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour toi, tu vas savoir quand est-ce que ça va être. À ce moment-là, si tu écoutes le mouvement, ça arrive... Pile. Sans ça, tu t'inquiètes, puis ça, c'est l'astral. Ta mémoire, toute la patente. Tu fais la résistance. C'est capable d'aller tourner malgré toutes tes interférences. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ils disent que la résistance de l'ego à l'intelligence, c'est la couleur de nos émotions.